السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi, نعم, en cette soirée du samedi, نعم, 12, 6, 1432 léger, qui correspond, inshallah ta'ala, avec le 6, 6, 2009. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le... C'est quel cours? Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes avec le 42e cours. 42e cours, Inch'Allah Ta'ala, de l'Aqid al-Wasitiyya, du deuxième tome. Du deuxième tome, Ta'ala. Nous avons parlé la fois passée, Nam, que ce que faisait le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très important aussi à savoir, c'est que ça se divisait en cinq sortes. Ça se divisait en cinq ou six sortes. Plus exactement, j'ai cité, ça se divisait en six sortes. Et nous avons parlé de cinq sortes et restait la sixième sorte, Idna Azzawajal. Donc, et j'avais dit que celui qui comprend, Inch'Allah Ta'ala, cette chose, hein, va bien comprendre la sunna et les détails et les précisions. Et celui qui ne comprend pas bien ce qu'on a dit la fois passée, ce qu'on va dire aujourd'hui, spécialement dans l'adoration, celui-là va avoir des complications, hein, dans l'application de la sunna. Peut-être une chose qui est seulement sunna, il va dire que c'est obligatoire. Peut-être une chose qui est seulement habitude, il va dire que c'est une sunna. Et peut-être une chose qui est vraiment une sunna, il va dire non, ça rentre dans l'habitude. Quand certains disent de la barbe, ils disent la barbe, ça rentre dans l'habitude. Alors que l'arabe, c'est vraiment sunna et c'est vraiment obligatoire. Al-Muhim. Donc on avait dit que le messager d'Allah, alayhi sallam, pour réviser, pour ceux qui n'étaient pas présents, et pour ceux qui étaient présents, ça renforce leur connaissance, on avait dit que le messager d'Allah, alayhi sallam, ce qu'il faisait, se divisait en six choses. Non. Des fois, il faisait une chose par particularité, qui lui était propre à lui-même. Non. On avait cité comme le fait de se marier avec plus de quatre femmes, ou bien le fait de se marier sans donner de dot, ou bien le fait de jeûner jour et nuit, jeûner jour et nuit. Et on avait dit que ça c'est une chose particulière, ce sont des choses particulières au messager d'Allah, et que personne n'avait le droit de limiter dans ces choses. Personne n'avait le droit d'en limiter dans ces choses. Ensuite on avait dit que des fois le messager d'Allah, faisait des choses qu'il faisait par nature, des choses naturelles, comme le fait de dormir, le fait de se lever, le fait de s'asseoir, le fait de manger, de boire. Ce sont des choses que toute personne doit faire. C'est inné. On meurt si on ne fait pas ces choses-là. Donc, ces choses-là, c'est quoi leur jugement? Leur jugement, c'est qu'il n'y a pas d'imitation dans ces choses. Je n'imite pas le messager d'Allah, parce qu'il a dormi, je vais dormir. Parce qu'il s'est levé, je vais me lever. Parce qu'il est aux toilettes, il est parti aux toilettes, je vais aller aux toilettes. Ce sont des choses naturelles. Donc, jugement de cette deuxième sorte, il n'y a pas d'imitation, hein, ce n'est pas des sunnas à suivre. Reste que, les savants ont dit, mais si ces choses, même en étant des choses naturelles et spontanées, contiennent des textes qui exhortent à les faire, ou bien des textes qui exhortent à s'éloigner d'elle, dans ce cas, ça devient yani une adoration de les faire ou de les délaisser. Exemple, le fait de manger, il n'y a pas d'imitation dans le fait de manger. Mais le messager d'Allah nous a montré, par exemple, qu'on ne mangeait pas avec la gauche. Non, c'est un exemple. Hein, qu'on doit manger avec la main droite. Qu'on dise, par exemple, Bismillah quand on commence. On remercie Allah quand on termine. Donc, ces choses naturelles sont devenues maintenant une adoration à condition que quoi? À condition que, comme je viens de dire, qu'elle comporte comme ça des textes. La même chose, par exemple, le fait de dormir. Non, le fait de dormir, par exemple, il n'est pas permis de dormir sur le ventre, car il y a un hadith qui interdit cela. Le fait de, par exemple, que le messager d'Allah, yani, par exemple, aussi quand il dormait sur le flanc droit. Donc ça devient sunnah dormir le flanc, sur le flanc droit, de dire certaines choses avant de dormir, certaines invocations, et comme ça. Troisièmement, ce que fait, ou ce qu'a fait le messager d'Allah, sallam, ittifaqan. Ittifaqan, ça veut dire sans qu'il le veuille. Non, il l'a fait parce que c'était par exemple le moment de le faire, c'est tout. Je donne un exemple. Par exemple, le messager d'Allah, sallam, quand il voyageait, par exemple, il veut voyager, par exemple, de Médine vers la Mecque. En cours de route, par exemple, c'est le moment de Salat al-Doha, par exemple. Il veut faire Salat al-Doha. Il est 10h du matin, il est arrivé à un endroit, il a dit, je m'arrête ici, on va s'arrêter ici, je vais faire Salat al-Doha et on va se reposer un peu. Non. Donc, il n'a pas choisi cet endroit pour faire Salat al-Doha. Mais, quand il est arrivé là-bas, il a vu des arbres, il a vu de l'ombre, il a dit, je m'arrête ici, je fais Salat al-Doha. Ici, ce n'est pas de la sunna de dire, si je vais arriver au même endroit où le messager d'Allah s'est arrêté, non, où il s'est reposé, là-bas, je vais aussi faire Salat al-Doha, comme lui. Non. Ou bien dire, par exemple, le messager d'Allah, quand il est arrivé devant cet arbre-là, exactement cet arbre, par exemple, devant cet arbre, par exemple, il s'est endormi, ou bien il a uriné, ou bien, on va dire, donc, c'est de la sunna que je fasse comme lui. On dit, ça ne rentre pas dans la sunna, car le messager d'Allah ne l'a pas fait parce qu'il a voulu le faire. C'est venu comme ça. Non. Et là, j'avais dit que seul, de tous les compagnons, seul Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, yani, le suivait dans toutes ces choses. Tous les autres compagnons ont dit que ce n'est pas de la sunna de le suivre dans cette deuxième sorte. Donc ça, c'est la deuxième sorte de ce que fait le messager d'Allah, alayhi sallam. La troisième sorte, c'est, si vous rappelez, on avait dit, c'est ce qu'il faisait, yani, attendez, la première, la deuxième, et on est à la troisième sorte, je crois qu'on est à la quatrième sorte. On est à la troisième sorte, la première sorte, ce qu'il a fait par particularité, la deuxième sorte, ce qu'il a fait par nature, la troisième, ce qu'il a fait comme ça spontanément. La quatrième sorte, c'est les choses qu'il a désiré, par exemple, de manger. On avait vu que le messager d'Allah aimait beaucoup les courgettes, qu'il aimait beaucoup les choses sucrées, qu'il aimait beaucoup, par exemple, les choses froides, boire de l'eau froide, boire quelque chose de froid, naam. Quel est son jugement? Les savants ont dit, non, ce n'est pas obligé de suivre le messager d'Allah dans ces choses. Pourquoi? Parce que, non, chacun a ses goûts. Non, il est possible que le messager d'Allah aime une chose et moi que je ne l'aime pas. J'avais donné l'exemple des courgettes. Non, Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, n'aimait pas les courgettes. Mais il a dit, comme j'ai vu le messager d'Allah, yani, aimer les courgettes et les chercher dans les plats pour les manger, il a dit, j'ai commencé à les manger. Son jugement, c'est quoi? Les savants ont dit, si tu le suis dans ces choses, ça va t'ajouter quoi? Son amour. Ça va t'ajouter l'amour du messager d'Allah, alayhi sallam. Mais ce n'est pas obligé que tu le suives dans des choses que, yani, qui, par exemple, que tu n'aimes pas. Des choses, yani, que tu ne désires pas manger. Non. Et le contraire est vrai. Le contraire, le messager d'Allah a vu Khalid ibn al-Walid, que Allah Ta'ala l'agré, en train de manger le dab. Le dab, je ne sais pas comment il s'appelle en français, ça ressemble un peu au lézard, mais il est plus grand que le lézard. Et il a dit, Moi, je ne mange pas cet animal-là. C'est un reptile. Il a dit, je ne le mange pas. Il n'y a pas sur ma terre, là où j'ai vécu en Arabie Saoudite, là, il n'y a pas. Et j'aime pas le manger. Donc, vous voyez, le contraire est vrai. Ça veut dire, des fois, on peut aimer une chose, vouloir la manger, hein, et le messager-là ne l'aime pas. Et le contraire, lui, il peut aimer une chose, il veut la manger, et toi, tu l'aimes pas. Non, donc, ce n'est pas obligé de suivre dans ces choses, mais si quelqu'un des faits, il veut manger comme lui cette chose, ça va lui ajouter l'amour du messager d'Allah, alayhi. Quatrièmement. Cinquièmement, ce qui est important, ce qu'a fait le messager d'Allah, alayhi, et qui a un rapport avec l'habitude. Avec l'habitude. Non. Ce qu'il faisait par habitude. Et là, les savants ont dit, non, limiter dans l'habitude, il faut limiter quoi? Dans la nature de la chose, pas dans la chose elle-même. Ils ont dit, par exemple, le messager d'Allah, quand il a ouvert les yeux à la Mecque, il a trouvé, par exemple, que tous les gens, par exemple, mettaient un turban sur la tête. Il a mis le turban. Il a trouvé que tous les gens mettaient une cape, les hommes mettaient une cape sur les épaules. Il mettait une cape sur les épaules. Il a vu que les gens mettaient un pagne sur les hanches. Il couvrait l'aura. Il mettait le pagne, alayhi sallam. Il a dit, les savants dit, maintenant si on veut imiter le messager d'Allah dans ses habitudes, ses façons de s'habiller, etc., on doit faire comme lui. Faire comme lui quoi? C'est-à-dire mettre de nos jours un pagne et mettre une cape. On dit non. Faire comme lui, ça veut dire lui. Il a imité même les gens avec lesquels il vivait. Alors toi, tu vas imiter les gens avec lesquels tu vis et tu vas t'habiller comme eux, à condition, bien sûr, que leurs habits ne soient pas interdits. Même à condition que leurs habits ne soient pas interdits. Par exemple, il n'est pas permis de mettre, par exemple, un pantalon pour l'homme au-dessus, par exemple, des chevilles. Ici, il y a un hadith qui interdit cela. Pardon, au-dessous des chevilles. Parce que, par exemple, il y a un hadith qui interdit cela. Mais si je mettais, comme tout le monde qui s'habille maintenant, par exemple, un pantalon large, et je mets, par exemple, une chemise large qui descend, jusqu'à mon dos, ce ne serait pas interdit. Mais, n'empêche que le messager d'Allah, a dit que le meilleur habit qu'il aimait, c'était le qamis. Il a dit comme ça, il a dit, pour moi, le meilleur habit, c'est le qamis. Donc, si quelqu'un va mettre le qamis, c'est pourquoi? C'est parce que le message de là a dit que c'était le meilleur habit. Mais ce n'est pas, bien sûr, une chose obligatoire. Non. Et, ça, c'est en ce qui concerne. Quoi, en ce qui concerne. Alhamdoulilah. Donc, je disais, les savants ont dit, on regarde l'habitude des gens avec lesquels on vit, on s'habille comme eux. Pourquoi? Pour ne pas être montré des doigts. Car si on ne s'habille pas comme eux, qu'est-ce qui va se passer? On va nous montrer des doigts pour notre habit qui est très différent des leurs. Et dans ce cas, on rentre dans le hadith qui dit que quiconque va mettre un habit de réfutation, Allah Ta'ala va lui mettre un habit de feu le jour de la résurrection. Mais comme j'ai bien dit, à condition que quoi? À condition que les habits que les gens portent, les gens avec lesquels je vis portent, soient. Ne soient pas des vêtements qui soient interdits dans la religion. Et la fois passée, on avait parlé aussi du fait, par exemple, d'avoir des cheveux longs. On avait dit que le fait de garder ses cheveux longs ne rentre pas dans la sunna, mais rentre dans l'habitude. C'est-à-dire que le messager d'Allah, vivait avec des gens, des hommes qui portaient les cheveux longs. C'est pour ça que lui, il a porté les cheveux longs. La même chose pour la bague, le messager d'Allah n'a pas mis la bague parce que c'est une sunna. Mais il a mis la bague parce que quand il envoyait aux lettres, des lettres au roi et aux émirs, il n'acceptait pas. Il fallait une preuve qu'elle venait vraiment du messager d'Allah. Alors on a conseillé au messager d'Allah d'écrire sur sa bague Muhammadun Rasulullah. Comme ça, quand il envoyait sa lettre, il mettait le cachet dessus. Et certains ont dit, mais même de nos jours, si quelqu'un met la bague à cause du messager d'Allah, Inch'Allah Ta'ala, qu'il aura aussi quoi? Il aura, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses. Naam. Ce qui nous intéresse aujourd'hui vraiment, naam, c'est la sixième sorte. C'est ce qu'a fait le messager d'Allah par adoration. Sixième sorte, ce qu'a fait le messager d'Allah par adoration. Mais la cinquième sorte que je viens de citer, ce qu'a fait le messager d'Allah par habitude, est aussi très importante pour que les gens, naam, ne disent pas d'une chose que le messager d'Allah a fait par habitude, ne disent pas c'est une chose sunnah ou obligatoire. Les gens fassent bien la différence avec ce qu'a fait le messager d'Allah par habitude et ce qu'il a fait, par exemple, par adoration. Ce que fait ou ce qu'a fait le messager d'Allah par adoration, il faudrait que vous sachiez que, car c'est très important, c'est le cours, inchallah ta'ala, d'aujourd'hui, hein, il faudrait que vous sachiez que, hein, quand on fait une adoration en islam, des fois, elle est liée à l'une de six choses. Des fois, elle est liée à l'une de six choses. Elle ne peut pas ne pas être liée à l'une des six choses que je vais citer. Des fois, elle est liée à deux choses des six que je vais citer. Des fois, à trois choses des six que je vais citer. Mais il est impossible qu'elle soit liée à rien. C'est pour ça que c'est très important de connaître quelles sont ces six choses. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, ça vous ajoute de la science et ça vous permet de bien discerner les choses. La première, as-sabab, la cause, l'une des six choses. La première, la cause. C'est-à-dire que le messager d'Allah, alayhi salatu salam, fait des fois une chose par adoration, mais il l'a fait à cause d'une cause. Il y a une cause qui le pousse à faire cette chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le messager d'Allah, alayhi salatu salam, fait une chose à cause d'une cause, cela veut dire que s'il n'y a pas la cause, on ne peut pas faire cette chose. S'il n'y a pas la cause, on ne peut pas faire cette chose. C'est pour ça qu'en islam, il est interdit, hein, d'innover des causes, asbab. Hein, mais le sabab doit venir de, yani, de la sharia elle-même. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Hein, pour que vous compreniez mieux. Regardez. Par exemple, le fait d'essuyer avec la main la pierre noire. Quand on fait le hajj ou bien Umrah, vous savez que on essuie, c'est de la sunna d'essuyer avec sa main, quoi? La pierre noire. Ou alors, si c'est difficile, de la saluer de loin. Ou alors, si ce qui est encore mieux, c'est de l'embrasser. Embrasser. Et le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique que celui qui arrivera à toucher la pierre ou bien à l'embrasser, il a dit, si vous connaissez le hadith sahih, il a dit que yani, elle va lui témoigner le jour de la résurrection. Et que Allah Ta'ala va donner à la pierre noire des yeux et une langue. Et elle va parler, elle va voir la personne et parler et dire, cette personne, yani, je lui témoigne qu'elle, par exemple, qu'elle m'a touché. Taïeb. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, alayhi salam, vous avez exhorté à la toucher, ou bien la saluer, ou bien l'embrasser, mais à condition de quoi? Qu'il y ait une cause. Quelle est la cause? La cause, c'est que, en faisant le, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le tawaf, tout en tournant autour de la Kaaba, quand tu arrives, et si tu peux arriver devant la pierre noire, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses. Si tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas l'embrasser, tu la touches avec la main. Si tu ne peux ni l'embrasser, ni la toucher avec la main, au moins tu la salues avec ta main de loin. Donc, à condition quoi? À condition qu'on soit en train de tourner. Voilà la cause. Tu es en train de tourner autour de la Kaaba et tu fais l'une des trois choses que je viens de citer. Donc, si une personne ne prend pas la cause, qui est le fait de tourner le tawaf, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, sans tourner autour de la Kaaba, elle va embrasser la pierre, ou bien la saluer, ou bien la toucher. Dans ce cas, on lui a dit, tu viens de faire une bid'a. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah n'a jamais fait une chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes, qui sont bien sûr pas d'ilm, etc., quand ils vont au hajj ou la umrah, ils sont à l'hôtel, ensuite ils se disent entre eux, viens, viens, on va, maintenant il n'y a pas de monde, on va descendre embrasser la pierre, l'essuyer. Et quand ils vont à la Kaaba, ils voient qu'il n'y a pas de monde, ils vont directement vers la pierre et ils font la chaîne, ensuite ils l'embrassent. On leur dit, ça c'est une faute. Hein? Pourquoi? Car le messager d'Allah ne l'a embrassé que lorsqu'il tournait autour de la Kaaba. Et toi, tu n'as pas tourné, tu es allé directement pour l'embrasser. Je donne un autre exemple pour que vous compreniez. Par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré que, par exemple, dans notre religion, dans la sunna, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un l'apprend, c'est une bonne nouvelle, il a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sujoud, choc. Il yani, se prosterne et yani, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné, par exemple, telle chose. Cette chose l'a faite, par exemple, à Abu Bakr Siddiq, quand on lui a rapporté que Mousseilima, le menteur, a été tué par Khalid ibn al-Walid. Ça lui a plu et il a fait cette prosternation. La fête aussi, Ali ibn Abi Talib, quand il a combattu les Khawarij, il a découvert parmi les morts, il a découvert la tête des Khawarij. Celui qui avait une main amputée qui ressemblait au sein de la femme. Il a fait la sujoud de la prosternation. Donc certains, par exemple, quand on leur annonce une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je vais faire deux rakats de choc. Deux rakats de choc, de remerciement. Or, ces deux rakats n'ont jamais existé. Il n'y a pas deux rakats qui s'appellent deux rakats de choc. Il y a si tu as une bonne nouvelle, que tu veux, par exemple, remercier Allah Ta'ala en faisant une aumône ou en priant 10 rakats ou là, mais il n'y a pas spécialement deux rakats qu'on appelle rakats de choc. Il n'y a pas ça dans le fiqh. Naam. Donc, les causes, naam, quand elles existent, s'il y a des choses, par exemple des causes, naam, et ces causes n'ont pas été liées à une salat, n'ont pas été liées à une invocation. On n'a pas le droit d'inventer une invocation ni d'inventer une salat. Je donne par exemple, ce qui est très connu par exemple, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, quand il était vivant, à chaque fois, chaque année, quand ça concordait avec le jour où il a été envoyé comme messager, jamais il n'a fait la fête, ce qu'on appelle le Maulid. Et quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui l'aimaient sincèrement et beaucoup plus que nous, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et tous les compagnons, n'ont jamais fêté, yani, ça, pour ça, ça Maulid al-Nabi, n'ont jamais fêté la naissance du messager d'Allah, alayhi wa sallam. Je ne sais pas si on appelle ça en français la naissance. Al-Muhim. Maintenant, il y a des gens qui, en prétendant qu'ils l'aiment beaucoup, alors chaque année, ils vont fêter le Maulid al-Nabawi. Et ils croient que cela, c'est une preuve, yani, du grand amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Or, si c'était vrai, les compagnons l'auraient fait avant nous. Car que sûrement, ils l'aiment plus que nous. Sûrement que Abu Bakr l'aimait plus que nous, et Omar et Othman et Ali. Mais ils n'ont jamais fait cette chose. Mais ils n'ont jamais fait cette chose. Pourquoi? Car celui qui aime vraiment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui quoi? C'est celui qui limite dans son caractère, dans son salat, dans son comportement, dans ses habits, dans sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de vendre, sa façon de discuter, sa façon de se marier, sa façon de divorcer, et comme ça. Et ce n'est pas attendre une fois, naam, par an, attendre cette journée, la fête du Maulid, pour acheter des bougies, des œufs, et un poulet, et ensuite faire de la chorba et du couscous, la rishta, et se remplir le ventre, et dire, moi j'aime le messager d'Allah, alayhi wa sallam. Voilà le grand délire. J'ai mangé deux poulets aujourd'hui. Voilà le grand amour. Si vous m'ajoutez un troisième poulet, je vais le manger. Voilà la preuve que j'aime le messager d'Allah. Alors tout ça, c'est pas vrai. Non. Si vraiment tu l'aimais, ce n'est pas que tu manges. Ce n'est pas que tu vas manger, mais au contraire, tu vas t'abstenir de manger. Tu vas t'abstenir de manger le lundi et le jeudi. Et le 13, 14, 15 de chaque mois. Si vraiment tu aimais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas, ne pas le suivre du tout, pendant toute l'année. Et quand vient une seule journée de l'année, tu vas acheter des bougies, comme je viens de dire maintenant, et des œufs. Et tu vas dire, et un poulet, tu vas dire, j'aime le messager de l'Allah, l'approche, je vais faire la fête aujourd'hui. Cette fête va se renverser contre toi. Tu as fait une bida. Demain, quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, tu vas payer à cause de la bida. Sauf si tu fais le repentir. Car en faisant cette fête, tu as fait deux grandes fautes. La première, tu as imité les Shia. Ce sont les Fatimis, les Fatimides, Fatimiyoun. Une clique de la Shia, Fatima, la fille du message de là, qui est bien sûr ce désavoué d'eux, ce sont les premiers à avoir fêté cette fête, la fête du Maulid. Une centaine d'années ou la 150 ans là après, le messager d'Allah. Donc, tu as fait quoi? Tu es en train de propager une bid'a des Shia. Ça, c'est la première faute que tu viens de faire. Et la deuxième faute que tu viens de faire... La deuxième, je l'ai oubliée. Hein. Je voulais la dire, mais je ne me rappelle maintenant plus. Donc, la première faute, c'est d'avoir fait... La deuxième, c'est d'avoir prétendu implicitement, ce n'est pas comme ça explicitement, mais implicitement, tu prétends que tu aimes le messager de Allah mieux que les compagnons. Car les compagnons n'ont jamais fait cette chose, ils ne l'ont pas aimé. Et toi, Masha'Allah, tu l'aimes. Tu aimes le messager de Allah, plus que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Huraira, Mu'adh ibn Jabal, tout le monde, tous les sahabas, toi tu l'aimes plus qu'eux. Et eux, ils ne l'ont pas aimé. Hein, ils ne l'ont pas aimé, c'est comme si... Et tu les critiques, tu dis, eux, ils ne l'ont pas aimé. Moi, je l'ai aimé, mashallah. J'ai mangé deux poulets. Et si j'ai cherché un dindon, je ne l'ai pas trouvé au marché aujourd'hui. Sinon, j'aurais acheté un dindon aussi. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Naam. Que Allah Azza wa Jal nous préserve des bilas. Et, comme je disais tout à l'heure, naam, des fois, on fait des choses, des causes comme ça, il y a des causes qui viennent, on leur lit des choses qui n'ont rien à voir avec la charia. Tout cela rentre dans la bida. Je donne un exemple. Quand quelqu'un baille, Facebook, vous connaissez une personne qui ne baille pas. Surtout quand on voit une personne bailler, on commence à bailler. Un moyen. Quand une personne baille, que nous a appris le messager d'Allah, il nous a appris de faire le maximum pour ne pas bailler, de mettre la main dans la bouche, de ne pas faire la voix, de ne pas faire comme yani on fait la voix, il dit, oh, comme ça, yani. Nam, on fait un nam, là. Il nous dit, nam, de rabaisser la voix. Un moyen. Maintenant, nous, par exemple, et il nous a dit que le shaitan, si on ne mettait pas la main dans notre bouche, le shaitan rentrait dans la bouche. Le shaitan rentrait dans la bouche. Donc, on va aider le shaitan à rentrer dans la bouche. Et, par conséquent, nam, on va lui ouvrir la porte parce qu'il rentre aussi dans le ventre. Le partenaire nous en préserve. Et dans un autre hadith, il va dire que le shaitan va rire de toi. Le shaitan, quand tu bailles et tu fais le son, la voix, le cri que je viens de dire, le shaitan va rire de toi. Nous, quand on baille, il nous arrive souvent, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, quand on se rend compte, par exemple, on est en train de bailler, on se rend compte, on dit que c'est le shaitan. On veut s'arrêter, ensuite qu'est-ce qu'on fait? Avoir baillé. Or, cette phrase, ça rentre dans la bida. Car le messager de la consigne baillée, il ne l'a jamais dite. Mais il nous a montré ce qu'il fallait faire. Se retenir, mettre la main, ne pas laisser Shaitan rentrer, etc. Mais dire que, croire qu'il y a une phrase qui se dit après cette cause qui est le baillement, et que cette phrase, c'est par exemple, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la bida. Donc vous voyez comment j'ai ajouté à une cause, la cause ici, c'est quoi le baillement? J'ai ajouté le mshtarajim. Et ça rentre dans la bida. Alors que si j'avais mshtarajim, avant de lire le Coran, ça rentre dans la sunna et j'ai des hasanat. Non. Par exemple, certaines personnes, quand elles rotent, elles se rappellent quoi? Qu'elles ont mangé, bien mangé, mashallah, se sont rassasiées. Alors, sans le vouloir, ou en le voulant aussi, elles veulent remercier Allah. Elles disent Alhamdulillah. Alors qu'il n'y a aucun délit que lorsqu'on rote, on dit Alhamdulillah. Bien au contraire, le messager d'Allah, alayhi sallam, a entendu quelqu'un roter. Le hadith est dans Sahih al-Jami'a, le Sheikh al-Bani, roter comme ça fort, il lui a dit arrête ton rôle. Arrête ton rôle. Ensuite, il lui a dit la phrase célèbre, il lui a dit, les gens qui mangent beaucoup dans cette vie, ce sont les gens qui auront le plus faim demain lorsqu'ils vont rencontrer la terre. Et vous trouvez, vous voyez que c'est logique. Quelqu'un qui est habitué au CIM, quelqu'un qui est habitué au fait de jeûner, à ne pas manger beaucoup, etc., demain, il peut beaucoup plus supporter quand il va rencontrer la terre là, le jour de la résurrection, le jour qui dure 50 000 ans, il va beaucoup plus résister que celui qui mangeait beaucoup et qui, chaque demi-heure, il mangeait une chose. Donc, quand il a entendu cette personne rôter, il ne lui a pas dit, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais il lui a dit, il ne faut pas rôter comme ça, il faut se retenir, car les gens qui mangent beaucoup pendant cette vie, ce sont les gens qui auront beaucoup faim le jour de la résurrection. Il nous arrive aussi, par exemple, que lorsqu'on soupire, beaucoup de gens, lorsqu'ils soupirent, je ne sais pas si c'est soupirer exactement le verbe, mais il faut que je le fasse devant vous pour que vous sachiez quand quelqu'un fait comme ça. Je crois que c'est soupirer. Si c'est ça, beaucoup de nous, lorsqu'ils soupirent, ils se disent dans leur tête, alhamdoulilah, ils se disent dans leur tête que j'ai fait quelque chose de pas bien ou là, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent astaghfirullah. Or, cette phrase, astaghfirullah, n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qu'on doit la dire quand on soupire. Mais nous, on l'a liée à une cause. C'est pas la cause ici, c'est le soupirement, le soupir. On lui a lié cette phrase qui dit quoi? Qui dit astaghfirullah. Or, ceci rentre dans la bida. Non. Même moi, ma grand-mère, la Hamna, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 5 ou 6 ans, à chaque fois que je soupirais, elle me disait, yani, taqilla, dis astaghfirullah. Il ne faut pas soupirer, il faut dire astaghfirullah. Et j'ai appris à dire astaghfirullah depuis ma jeunesse. Ce sont des phrases qu'on dit comme ça, avec bien sûr avec une bonne intention, mais sans qu'on le veuille. Alhamdoulilah. Donc, je disais que il y avait 6 choses pour y comprendre. Ce que faisait le messager d'Allah alayhi wa sallam en ce qui concerne l'adoration. La première chose, c'est la cause. Et on avait dit que la cause, ce n'est pas nous qui l'inventons. Ce n'est pas nous qui inventons une cause. Mais la cause doit être de la sharia. Ensuite, s'il y a une cause, on doit lui lier ce que la sharia lui a lié. Ce n'est pas nous qui allons inventer des salats pour cette cause ou bien des invocations pour cette cause, comme le fait de dire Aurublam Shtarajim si on baille ou Alhamdoulilah quand on rote et comme ça. Et j'avais terminé, j'étais en train de parler pour la sourate al-Fatiha. J'ai dit que dans certains mariages, le mariage c'est une cause, ils ont inventé quoi? Ils ont inventé de lui lier au mariage, pendant l'acte de mariage, de lui lier, de lire sourate al-Fatiha. Pour ça, sourate al-Fatiha, n'a jamais été lu au temps du messager d'Allah, ni des compagnons, ni les savants, les grands savants, n'ont dit que c'est une sourate qui se lit pendant l'acte de mariage. Mais c'est une sourate qui se lit pour commencer la salate. Aucune salate n'est acceptée d'Allah Azza wa Jal si elle ne commence pas par sourate al-Fatiha. Al-Muhim. Maintenant, premièrement, c'est la cause. Deuxièmement, al-Jins. Premièrement, c'était sabab, la cause. Deuxièmement, el-jins. El-jins, disons, la spécification. C'est-à-dire que si le messager d'Allah, alayhi sallam, a spécifié une certaine chose, une certaine, comme ça, il l'a cité, il dit c'est celle-là qui doit être faite en telle circonstance, doit être faite. Ce n'est pas à nous, par exemple, de changer. Et on ne peut pas imiter le messager d'Allah, alayhi sallam. On dit qu'on l'aime et on le suit. Si, par exemple, on change et on ne spécifie pas ce qu'il a spécifié, sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un exemple. Par exemple, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a montré, par exemple, que pendant l'Aïd, par exemple, il fallait quoi? Il fallait égorger un mouton. Non. Ou bien, par exemple, comment ça s'appelle, le maïs? Attendez, la brebis, par exemple. Mais le mouton est mieux, bien sûr. Ou alors on peut y égorger, par exemple, une vache. Non, un taureau, on peut égorger, par exemple, comment ça s'appelle, l'ibil, un chameau. Non. Mais par exemple, il a spécifié ces choses-là. Or, il n'est pas possible, par exemple, pour quelqu'un, le jour de l'Aïd, il dit, alors je n'ai rien, je n'ai pas pour égorger ces bêtes-là, je vais égorger, par exemple, une poule. Ce n'est pas possible. Non. Ou bien, par exemple, quelqu'un va dire, je vais égorger un cheval. Ce n'est pas permis. Pourquoi? La chose, yani la bête a été spécifiée. C'est la même chose, par exemple, pour la harira. Pour la harira, c'est quoi? C'est aussi le mouton. Il n'est pas possible, par exemple, de ce jour-là, d'égorger un cheval, ni d'égorger un lapin, ou bien une poule. Car certaines personnes, elles font comme ça. Le jour de la harira, elles disent, on n'a pas de quoi égorger un mouton, mais on a de quoi égorger une poule, par exemple. Et ils égorgent une poule. Et peut-être qu'ils invitent des gens. Ça, c'est en ce qui concerne lorsque le messager d'Allah spécifie une chose. Troisièmement, on doit aussi donner de l'importance, comme on a donné de l'importance à la cause et à la spécificité de la chose, on doit donner aussi de l'importance, la troisième chose, on doit considérer le nombre, s'il y a un nombre. Si dans une adoration, le messager d'Allah a montré qu'il y avait tel nombre, personne n'a le droit de changer le nombre ni d'inventer un autre nombre. On donne par exemple, si le messager d'Allah a dit que Salat al-Dhuhr c'est 4, personne ne peut dire que c'est 5, même s'il prétend aimer Allah Azzawajal beaucoup. Il va dire, j'aime tellement Allah Azzawajal que je pense que 3 pour le Salat al-Maghrib ne suffit pas. Je vais faire la prière Maghrib avec 4. On lui dit, tu ne peux pas, Akhi Karim, mais car tu as inventé, et le message de là hein, a montré qu'il y avait un nombre déterminé qu'on pouvait ni diminuer ni augmenter. La même chose, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, Nisab. Par exemple, la zakat de l'or, elle est obligatoire si on atteint 85 grammes d'or. Personne ne peut, par exemple, dire aux gens, si vous avez 70 grammes d'or, vous devez faire la zakat. Si vous avez 50 grammes d'or, vous devez faire la zakat. Personne n'a le droit de dire cela. Il a le droit de dire, si vous avez atteint 85 grammes, ou chez certains savants, 81 grammes. Non. Mais moins que cela, non, ça rentre dans quoi? Ça rentre, elle dit, dans yani, tahrif. On va yani, changer la sharia. On va yani, falsifier la sharia. La même chose, par exemple, pour l'argent. L'argent, le métal, c'est quand quelqu'un a 585 grammes d'argent, par exemple, c'est là que la zakat devient obligatoire. Par exemple, la même chose pour la zakat du mouton, par exemple. Si on a entre 40 et 120 moutons, on doit faire sortir un seul mouton. Et si on a moins de 40 moutons, on ne fait pas la zakat des moutons, on ne fait sortir aucun mouton. Et comme ça. Pourquoi? Donc, ce sont des adorations qui sont liées à des nombres. On doit respecter le nombre. Si quelqu'un, par exemple, va faire la salat d'or sans respecter le nombre, il n'a pas fait l'adoration. Si certains vont dire, je vais au Hajj, et le tawaf, tourner autour de la Kaaba, il ne va pas faire, par exemple, 7. Non, pas 7 tours. Mais il va en faire 5. Non, on va lui dire, tu n'as pas fait yani, le tawaf. Parce que, non, tawaf, par exemple, voilà ce qu'on doit faire. C'est comme ça. La même chose, par exemple, pour, par exemple, la zina. Si quelqu'un a fait la zina et qu'il n'est pas marié, s'est jamais marié, on doit quoi? On doit le flageller combien? 100 coups. Personne n'a le droit de dire, j'en lui ajoute 10, 110, ou alors 80. Non, s'il le fait bien sûr, c'est-à-dire il a falsifié la charia. Maintenant, s'il lui donne 110, il lui donne 100 à cause de ce qu'il a fait, et 10 parce qu'il a menti aux gens ou là, ça c'est autre chose. Non, par exemple aussi, comme ça, toutes les choses qui ont un nombre, on n'a pas le droit de ne pas gagner. Se conditionner avec le nombre. C'est comme un peu le teimoum. Le teimoum, par exemple, vous savez que on frappe une seule fois. Hein? Les hadiths où il est dit, on frappe deux fois. Une fois pour le visage, une fois pour les mains. Ce hadith est faible. Et le hadith qui dit, on frappe trois fois, il est menti, non seulement faible, mais menti. Mais le vrai hadith, non, c'est le hadith où il est dit qu'on frappe une seule fois. On frappe une seule fois la terre et on lève les mains, on s'essuie. On s'essuie le visage et on s'essuie les mains jusqu'au poignet, c'est tout. Donc, troisièmement, là, nous sommes troisièmement, toute adoration qui est déterminée par le nombre, on doit respecter le nombre, sinon on n'a pas imité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez par exemple le tasbih. Quand quelqu'un termine la salat, après avoir dit astaghfirullah, astaghfirullah, alam tassalam, minka salam, tabarakal jalal wal ikram, qu'est-ce qu'il fait par exemple? Par exemple, il commence à faire le tasbih. Combien qu'il fait deux fois? Il fait 33. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Naam. Ensuite, Allahu Akbar, combien de fois? 33 fois. Et il termine par la ilaha illallah. Combien donc il fait? 33, 33, 33. Naam. Mais par exemple, lorsqu'il va dormir, c'est quoi la sunna du takbir et du tasbih? S'il veut dormir, il se met sur son flanc droit, il commence le tasbih, il fait combien? Il fait 33, subhanallah. 33, alhamdoulilah. Et 34, Allahu Akbar, et pas 33. Ici, ça a changé. Donc, qui a digéré cette chose? C'est le messager d'Allah. Si je veux faire comme lui avant de dormir, je n'ai pas le droit ici de ne dire Allahu Akbar que 33 fois. Mais il faut que je dise 34 fois. Sinon, je n'ai pas dormi comme a dormi le messager d'Allah. Mais si, après la salat, le takbir, Allahu Akbar, je fais faire 34 au lieu de 33, je n'ai pas suivi alors le messager de là dans le tisbih après la salat. Et comme ça. Donc, je dois me conditionner et ne rien changer non, en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne les adorations où il y a un nombre, les adorations limitées à un nombre. Quatrièmement, si l'adoration, non, dans l'adoration, on doit voir aussi le kifiya, c'est le comment. Non? C'est le comment. Pour que je suive le messager d'Allah dans son adoration, il faut que je la fasse exactement. Il faut que le comment ressemble au comment du messager d'Allah. Par exemple, si je fais la salat, je dois commencer par m'incliner avant de faire la prosternation. Si je vais dire, moi je commence par la prosternation, ensuite je m'incline. On va lui dire, tu n'as pas suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il va tourner autour de la Kaaba, il faut qu'il mette la Kaaba à sa gauche et non pas à sa droite. Quand il est en train de tourner autour de la Kaaba, la Kaaba se trouve de mon côté gauche. Si maintenant la Kaaba se trouve de mon côté droit, je commence à tourner autour d'elle, je n'ai pas fait le tawaf. Non, je n'ai pas fait le tawaf. Par exemple, en ce qui concerne le taïmoum. Le taïmoum, le messager d'Allah, alayhi sallam, dans les hadiths authentiques, quand il a fait le taïmoum, il l'a fait seulement jusqu'au poignet. Quand il s'est essuyé le visage, ensuite il s'est essuyé les mains jusqu'au poignet. Il n'est pas de la sunna de s'essuyer les mains jusqu'au coude. Ni encore comme font les khawarij, qui s'essuient les mains jusqu'aux aisselles. Tout cela, non, ça entre ou bien dans la bid'a, ou bien dans, l'année on s'est basé sur des choses qui sont daif. Une seconde. Ça y est. La même chose, par exemple, pour Oshanet Kifi, un arbre. Par exemple, quand quelqu'un vole, et qu'il a dépassé, par exemple, il a volé plus de 1,5 g d'or. Il a volé plus de l'équivalent de 1,5 g d'or. Qu'il n'a aucune excuse. Il savait que c'était haram. Et qu'il a volé, etc. Il n'est pas dans la nécessité, etc. On doit lui couper la main. De quel côté où on lui coupe? On lui coupe jusqu'au poignet, c'est tout. Au poignet. Pas jusqu'au coude. Encore moins jusqu'à l'aisselle. On lui coupe seulement jusqu'au poignet pour lui laisser sa main pour qu'il puisse travailler avec et faire d'autres choses avec cette main. Cinquièmement, dans l'adoration, si on veut suivre le messager d'Allah, et que cette adoration a un temps, a un temps, elle est liée au temps, on doit yani, considérer ce temps. Considérer ce temps. Par exemple, le messager d'Allah, quand il faisait le Hajj, c'est le huitième jour hein, qu'il montait sur Arafat. Ou bien Arafat. On n'a pas donc le droit de monter sur Arafat le sixième jour, ni le septième. Mais on doit être là-bas le huitième jour. Pourquoi? C'est une adoration liée avec le temps. C'est à quel moment qu'il faut monter sur Arafat. Par exemple aussi, le fait de sortir la zakat al-fitr. Zakat al-fitr. Vous savez que on doit la faire sortir avant la salat. On doit la faire sortir avant la salat. Si quelqu'un maintenant l'a fait sortir après la salat, alors qu'il pouvait la faire sortir avant la salat, ça yani, ne compte pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on dit les savants, ça compte, sauf dans le cas où il a cherché, il a fait tous ses efforts pour la donner avant la salat, il n'a pas trouvé. Dans ce cas, il est obligé de la donner après la salat. Il n'a que cette solution. Mais celui qui peut, il dit non, je ne vais pas la faire sortir maintenant la zakat. J'attends après la salat. Et ensuite, il va la sortir. Ça ne va pas compter. Il aura des péchés. C'est comme s'il n'a pas fait zakat al-fitr. La même chose pour le fait d'égorger le mouton. Vous savez que, par exemple, c'est lié, par quel temps? Lié au temps de après la salat. Après, on termine la salat avec l'imam. C'est là-bas qu'on va égorger notre mouton. Si quelqu'un l'égorge avant la salat, c'est comme a dit le messager d'Allah, au sahabi qui avait égorgé avant la salat, il lui a dit, yani, ça, c'est de la viande. Hein? Ce n'est pas quelque chose yani, qui rentre dans la ibada, nusuk. C'est seulement de la viande que tu vas donner aux gens. Mais il faudrait réégorger un autre mouton après la salat. Et sixièmement, dans l'adoration, si l'adoration est liée aussi avec l'endroit, on doit considérer l'endroit et lui donner de l'importance. Exemple, vous savez que le messager d'Allah faisait l'i'tikaf. L'i'tikaf, ce qu'on appelle en français, je crois, la retraite. C'est-à-dire, d'aller dans la mosquée et rester comme ça, des fois 10 jours consécutifs. Si quelqu'un veut faire la retraite, aller dans une mosquée et dormir comme ça, rester 24 heures ou là 2 jours ou là 3 jours, ça a été lié par quoi? Ça a été lié par un endroit. Cette adoration est liée par un endroit qui s'appelle la mosquée. Si tu n'es pas dans une mosquée, tu n'as pas le droit de faire cette retraite. Donc, si tu veux suivre le messager d'Allah, tu vas faire la retraite dans une mosquée, pas dans la maison, ni dans un marché. Tu dois être dans la mosquée pour que cette chose devienne une adoration. Et, par exemple aussi, le messager d'Allah nous a montré, par exemple, que lorsqu'on fait le hajj, on jette les pierres là, il faut être dans un endroit spécial où on va jeter des pierres. C'est un endroit où il y a ce qu'on appelle Rami al-Hajarat. Et c'est un minan. Et ce n'est pas, par exemple, tu vas jeter des pierres, par exemple, devant la Kaaba. Non. Tu arrives devant la Kaaba, tu vas dire, je vais jeter des pierres ici. Mais il faut jeter des pierres dans un endroit spécial. C'est juste là-bas où on doit jeter les pierres. Et c'est la même chose, par exemple, pour Salat Eid. Salat Eid, le messager d'Allah, nous a montré qu'elle se faisait, par exemple, dans un endroit. C'est quel endroit? C'est comme ça, yani dans le désert, c'est-à-dire pas dans une mosquée. Donc, si tu veux suivre le messager d'Allah, tu dois faire cette salat comme ça, dans un espace, dans un grand espace. À défaut, si tu ne trouves pas, il n'y a que la mosquée, on la fait alors dans la mosquée. Mais, pas comme certaines personnes, par exemple, qui vont faire ça dans les maisons. Ils vont dire, il n'y a pas ici, par exemple, je vais faire ça, alors je vais la faire dans la maison. Non. Voilà, en général, on se concerne, Inch'Allah Ta'ala, cette adoration, non, l'adoration et le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal nous aide, nous guide et nous apprenne notre religion, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, les questions-réponses, dans 2 ou 3 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.